C'est la mortalité ou l'immortalité? Mais votre préoccupation, priez pour nous, étrangers. Ici repose Christina, ma sœur. Un bébé, la voix de Dieu, fille expulsée de naissance, a vécu pour aimer pendant 25 mois. Bref, innocence qui a engendré mon histoire. Chaque jour j'ai écrit à ton départ. Palmes sont les empires, les villes, les fléaux. En marchant dans les vallées, les ravins, Christina a surmonté les peurs qui a consumé mon pays dans la guerre. Des anges dans leurs bras l'ont prise. Aime tant que tu vis, citoyen. Aime les autres que Christina en Christ te réclame. En marchant dans les vallées et les ravins, Christina a surmonté les peurs qui a consumé mon pays dans la guerre. Des anges dans leurs bras l'ont prise. Aime tant que tu vis, citoyen. Aime les autres que Christina en Christ.